Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je serai l'animateur de ce beau programme. Programme que je fais en compagnie d'un ami, d'un collègue journaliste, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Écoute, il me semble qu'à chaque semaine, ça devient de plus en plus intense ton affaire. Mais pourtant non. Un ami, c'est un tranquille. Collègue, je sais pas là. Ok. Moi c'est parce que, bon, en fait, j'adore ça quand tu me présentes de même. Ma seule crainte, c'est qu'éventuellement, tu vas me demander quelque chose en retour. Ah, on verra. Qui vivra, verra, qu'ils disent. On sait jamais. Je suis pas comme ça, bon. Bonjour Marc, donc on revient à une émission simili-normale cette semaine. Pourquoi je dis simili-normale? C'est qu'on va avoir deux blocs, on va ouvrir comme on fait habituellement, mais on va tout de suite aller dans les nouvelles parce qu'on a d'autres blocs à vous présenter après ça pour le restant de l'émission. On va avoir nos essais, comme d'habitude. Moi, je vais vous parler de la Hyundai Elantra Sport que j'ai essayé pendant tout le temps des fêtes. Toi, Marc, j'ai oublié, c'est de quoi tu veux nous parler cette semaine comme voiture? La nouvelle Subaru Impreza, mon cher, la 2017 que j'ai conduit la semaine dernière. OK. Une voiture que moi, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup Subaru. Fait que c'est assez facile facile à pour aimer. Moi d'en discuter. OK. Ouais. Parfait, voiture que j'aurai dans les prochaines semaines. Je pense que je l'ai au début du mois de mars. Là, fait que je vais l'avoir bientôt moi aussi. On a une chronique assurance avec Benoît Campeau. Benoît qui va nous démystifier quelques mythes du monde de l'assurance. Ça devrait être assez intéressant. Et puis, on va terminer l'émission avec une entrevue qu'on a faite au Salon de l'Auto de Montréal la semaine dernière. Mais on avait comme ramassé trop d'entrevues. Puis, on s'est ramassé avec pas assez de temps dans l'émission. Vu que l'émission est diffusée aux radios, ben il faut qu'on, sur certaines radios, il faut qu'on ait un certain nombre de temps limite pour présenter l'émission. Donc, l'émission était trop courte pour le nombre d'entrevues qu'on avait. Donc, on va revenir sur une entrevue qu'on a fait, moi et Marc, avec le président de chez Jaguar Canada. Donc, on va vous présenter ça. C'est une entrevue qui est en anglais, par exemple. On va essayer de vous faire un petit récapitulatif rapide à la fin de quoi qu'on a parlé. Mais on va vous présenter ça en toute fin d'émission. Donc, Marc, on va commencer cette émission par les nouvelles. Nouvelles qui est normalement notre dernier bloc. Là, mais on a tellement de choses cette semaine qu'on va commencer avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de la voiture cette semaine? Ben, en fait, pas grand-chose, je te dirais, parce que tout a été pas mal tourné vers le Salon de l'Auto de Montréal. Alors, pour nous, ici au Canada, c'est évidemment l'événement que tout le monde surveille et les manufacturiers, pour la plupart, sont impliqués. Il y a bien un lancement cette semaine là, qui est celui de la Challenger GT, c'est-à-dire la fameuse Challenger All-Wheel Drive. Mm-hmm. Mais, écoute, pour le nous on y est pas. C'est un petit lancement qui est fait au Maine. Donc, c'est assez particulier. Dans la série des nouvelles, cependant, il y en a qu'on ne peut pas passer sous silence. Évidemment, on n'est pas des spécialistes de la course automobile. Non. Mais difficile de négliger le fait que Bernie Ecclestone a maintenant disparu du portrait de la Formule 1. Ben oui, c'est fait comme remercier. Mais il est encore là, mais comme président, comme honoraire. Non, là, mais... non, il n'est plus là. Là. C'est okay. Fini, c'est réglé. OK. Oui, on l'a carrément mis dehors hier, en fait, en fin de journée. C'est terminé. C'est le groupe Liberty Media a décidé que ça en était assez de la présence de monsieur. En fait, comme tu dis, il y avait la possibilité de présidence honoraire, mais il a refusé. OK. Parce que ça, j'avais vu aux nouvelles qui avait été nommé, mais il a refusé le poste. Bon débat. Bye, Bernie. Effectivement. Donc, c'est quelque chose qui va faire plaisir à bien du monde parce qu'on pense tous que Bernie Ecclestone est probablement 90% du problème de la Formule 1. Alors, évidemment, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Dans la série des meilleures nouvelles, cependant, il y a une firme d'ingénieurs, la firme d'ingénierie ABB, que tu connais peut-être, qui a décidé d'investir des millions de dollars, en fait, et majoritairement à Montréal. Et ça, c'est particulièrement intéressant. On parle de 90 millions qui vont être investis à Montréal pour une chose très particulière, un centre nord-américain d'excellence en mobilité électrique. OK, c'est très intéressant. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut faire à Montréal, on parle de créer éventuellement 700 emplois, là, mais de consolider plutôt, à mon avis, mais bon... C'est que là, ben évidemment, ABB travaille déjà en collaboration avec plusieurs grands manufacturiers pour être en mesure de développer une technologie électrique viable dans toutes les conditions. Et bien entendu, je pense qu'on est probablement un endroit où c'est plus facile de le faire à cause notamment de la disponibilité et de la facilité d'accès à l'énergie propre, l'énergie renouvelable, et à déjà les centres de recherche qui existent chez nous. Et ça, je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est vraiment une très, très bonne idée. Donc, évidemment, c'est une des grandes nouvelles de la semaine. Ouais. Objectivement, quand on regarde la suite, c'est assez particulier cette semaine. C'est vraiment, vraiment tranquille. Il y a Faraday Future, que l'on connaît, qui est une firme là, qui a présenté une espèce de soucoupe volante lors du dernier salon de Détroit, salon de Los Angeles plutôt, CES ou whatever. C'est une firme à qui on n'a pas très confiance parce que on ne sait pas trop comment elle est financée. On sait que c'est un investisseur chinois, mais on ne sait pas trop d'où provient l'argent. Ultimement, il semble que Faraday serait pour le moment sous le coup d'une poursuite de quelques millions de dollars parce qu'ils auraient certaines factures impayées. Donc, on n'est pas rendu encore à la production, évidemment, de ce genre de véhicule-là. On sait que Faraday a promis des choses, des voitures absolument spectaculaires, là, 1100 chevaux, une vraie folie. Ouais. Pour le moment, on n'est pas rendu là, je pense. C'est assez spectaculaire comme débâcle. Parce que, tu sais, ils sont supposés construire une usine au Nevada. Ils n'ont pas encore commencé. Ils ont manqué d'argent. Ils ont présenté la première fois un prototype qui n'était en fait qu'une espèce de maquette. La deuxième, ils ont présenté un prototype fonctionnel, sans date de sortie. Alors, on n'est pas rendu à Faraday encore, malheureusement. Ouais, si t'es pas capable de payer tes factures, déjà là, ça part mal pour peut-être avoir d'autres investisseurs qui veulent embarquer avec toi. Ça a l'air mal organisé. Puis ils ont déjà été proches de la faillite, si je me rappelle bien. C'est pas une compagnie qui a une bonne réputation, mettons, là. Fait que t'as beau annoncer, moi aussi je peux dire demain matin que j'ai une idée pour une voiture à 1500 chevaux électriques avec 600 km d'autonomie, mais j'ai pas les moyens de la faire, mais je peux la dessiner si je veux. Bon, ça va l'air de bloc Lego, là. Je te croirais pas. Tu vas aller à Homer Simpson, c'est ça avec sa voiture. Ouais, c'est ça, la Simpson. Comment ça s'appelle? L'Homer Mobile, quelque chose de même, là. L'Homer Mobile, là. Dont on a dévoilé le nom récemment, d'ailleurs, dans une émission. Écoute, c'est une marque qui n'existait pas, évidemment, là. Mais ils ont nommé la fameuse voiture. Ils ont trouvé un autre titre que la Homer. Non, c'est la vraie voiture d'Homer qu'ils ont nommée, finalement. OK. Bon. Mais qu'en fait, personne ne connaît et dont tout le monde, en tout cas, on s'en sacre un petit peu. Ceci étant dit, on avait parlé de la Mustang qui changeait un peu. La Mustang qui subit des changements importants là, en abandonnant son moteur V6, en multipliant les vitesses, c'est-à-dire qu'on passe d'une 6 à une 10 vitesses pour la boîte automatique. On l'avait annoncé pour le coupé et cette semaine, on a confirmé la même chose pour le cabriolet. Donc, la Mustang qui va changer un peu de look, un peu de style pour 2018. Nouvelle calandre, nouveau bloc optique tant à l'avant qu'à l'arrière. Donc, vraiment, on parle de quelque chose qui devrait être plaire à certaines personnes. J'avoue que moi, je suis un fan de ce qu'était la Mustang dans sa version la plus nostalgique. Ouais. Le gros muscle car complètement fou, complètement, c'est vraiment là, musclé comme on le voit dans les années 60, début 70, parce que après ça, on s'est ramassé avec la Mustang 2 qui était moins de réussite. Je trouve ça un petit peu dommage de voir ce genre de choses-là, mais écoute, je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Alors, la Mustang va se moderniser, arrive avec des nouveaux moteurs, suspension magnétique dans les cas des voitures les plus performantes. Alors, ça devrait être une bonne chose. En attendant, la célèbre Mustang hybride qui devrait arriver aux alentours de 2020. Ouais, j'ai hâte d'avoir un peu. J'ai rien contre la Mustang hybride. Je pense que faut s'en aller là, surtout si on veut répondre aux normes café pour la flotte entière de voitures. Puis ça va aider qu'une Mustang puisse être hybride, là. Le départ du V6, j'ai posé la question justement à Pierre Trudel de chez Ford. C'est comme, OK, mais est-ce qu'on va avoir une Mustang d'entrée de gamme au même prix avec un 4 cylindres turbo? Parce que la beauté du V6, c'est que ça rendait la Mustang accessible à peu près à n'importe qui pouvait se payer une voiture de 25 000 $ là, parce que c'était une voiture qui était pas chère avec le moteur V6. Là, si on voulait aller au moteur turbo, il fallait monter de prix. On tombait presque à 30 000. Mais là, on va-tu avoir une Mustang avec un 4 cylindres turbo à 25 000 comme le prix d'entrée de gamme, ou si là, on va être obligé de monter de prix puis on sera plus nécessairement aussi compétitif qu'on l'était. Puis côté design, Je sais pas, plus on dirait plus qu'il touche à Mustang, moins qu'elle m'attire présentement. Là. Moi, je trouve encore aujourd'hui, les plus belles versions de la Mustang moderne étaient probablement la dernière année de production de l'ancien modèle, donc 2014, là, qui était quand ils ont un petit peu shelbisé, là, qu'on pourrait dire. Ils ont passé de 2010 à arrondir un peu le devant puis un peu l'arrière. Puis ont vraiment comme pris plus l'allure Shelby des dernières années, comme 2013-2014, avec l'arrière complètement noirci, le devant beaucoup plus agressif, les nouveaux blocs optiques et tout ça. Je trouvais que ça faisait vraiment un beau muscle car. Là, on l'a, à mon avis, trop mis avec une allure européenne. Ça, pas que j'aime pas l'allure des voitures européennes, mais je pense pas qu'une Mustang devrait avoir une allure trop européenne. Ça devrait rester un muscle car américain. Mais c'est ça. Mais ça, que veux-tu, c'est le... C'est la décision que Ford a pris parce qu'ils veulent en vendre globalement. Ouais. Donc, la Mustang est maintenant vendue partout au monde. Ouais, on verra ce que ça va donner. Écoute, comme je te dis, nous autres, on est des vieux de la vieille. Peut-être que les jeunes vont aimer ce genre de look-là. On verra bien la suite des événements. Peut-être. Donc, Dernière petite nouvelle, mon cher, en terminant, parce que je sais que tu es un fan de tatouage. Alors... Je t'écœure, là, Luc, je sais que tu n'es pas particulièrement fan, mais Audi est en train de sortir une nouvelle technologie qui va te permettre de tatouer ta voiture. En fait, ce que c'est que on utilise comme une espèce de pochoir que l'on accole sur la voiture et on se sert d'une peinture en poudre. C'est un peu comme si on faisait du sablage au sable avec la peinture en poudre et ça vient tatouer la voiture du motif que l'on veut. Ah, OK. Alors, si c'est le cas et ça fonctionne jusqu'à date, ça a l'air à plutôt bien fonctionner. C'est déjà disponible sur les Audi R8 en Europe. Ça s'en vient chez nous, semble-t-il, et ça pourrait être appliqué sur tous les modèles. Évidemment, je n'ai pas d'échelle de prix. Je suis un peu curieux de savoir combien ça peut valoir, mais c'est effectivement là. Donc, tu pourras faire dessiner ce que tu veux, la face de ton chien sur le capot de ta Nissan Leaf si ça te tente, parce que c'est une technologie qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle voiture. OK, on verra ça quand ça deviendra un peu plus grandement applicable, là, que ça deviendra plus commun sur le marché. Donc, Marc, c'est super. On va terminer avec ça, puis on va faire une pause et on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure de nos essais de la semaine. Marc, tu vas nous parler d'une voiture qui, est excellente dans les températures comme on vit aujourd'hui en ce mardi de la neige, du grésil et tout ça. Tu vas nous parler de la nouvelle Subaru Impreza 2017. Effectivement, l'Impreza qui vient tout juste d'arriver, en fait, chez les concessionnaires. Une voiture qui, faut que je le dise, moi, j'aime Subaru. Et je suis un ancien propriétaire de Subaru. Et comme tous les anciens propriétaires, on dirait qu'on s'attache à la marque. Mm-hmm. C'est une des marques qui a le plus haut niveau de loyauté de la part de ses anciens propriétaires pour plusieurs raisons. Notamment, tu l'as mentionné, le fameux rouage intégral qui est un rouage qui est vraiment, vraiment, va très bien, est extrêmement efficace, totalement transparent. Bref, ça va bien. Ceci étant dit, on a conservé le rouage intégral qui était la plus belle qualité des Subaru et on a reconstruit une Impreza autour. Okay. Il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Dans la série des moins bons côtés, je vais commencer comme ça, on a fait une silhouette qui est correcte, qui est améliorée, qui est plus agressive qu'elle ne l'était, mais objectivement, là, il n'y a personne qui se retourne la tête sur mon passage. En fait, tellement pas que... j'ai la voiture depuis quelques jours, quand ma voisine vient sonner en disant « T'as une Subaru? Je veux l'essayer, la nouvelle Impreza. » Ça fait 4 jours qu'elle est là parce qu'elle n'en était pas aperçue. Ouais, c'est pas... Ça donne une... Ouais. S'il avait gardé les lignes qu'il avait présentées comme le concept, je pense qu'il aurait fait tourner plus de tête que les lignes qu'il y a eu au final. Mais ça reste une belle voiture, mais c'est pas comme le concept. C'est un peu anonyme, là. T'sais, C'est pas laid. Je trouve qu'il y a un gros porte-à-faux en avant. T'as l'impression que c'est long pour rien. Bref, c'est une belle voiture, mais qui a ses défauts. La belle qualité de la voiture, cependant, c'est à l'intérieur. L'ancienne génération de Subaru, moi j'en ai eu une il y a quelques années, puis écoute, c'était des plastiques cheap, c'était mal fait. La position de conduite était extrêmement basse. Si tu mesurais pas 5 pieds 7, là, t'étais même pas capable de voir dehors quasiment. Ouais. La technologie était presque inexistante, c'était pas... Totalement, mais Là, l'intérieur, hein, si on regarde la qualité d'intérieur, la qualité des matériaux, la façon dont on l'a dessiné, l'ergonomie de tout ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Tu sais, moi, mon ancienne Subaru, là, l'intérieur de la portière était comme en plastique. Ma femme conduisait, puis elle a une bague. Écoute, à la fin, ça avait l'air d'un meuble graffiné par un chat, là. OK. C'était complètement fou. Alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est noir, c'est bien, c'est beau. La version la plus haut de gamme arrive avec un écran de 10 pouces et un système de navigation. Les versions les moins haut de gamme se retrouvent avec un écran 6,5 pouces, qui est un peu petit à mon avis, mais qui est quand même, bon, raisonnable, là, même si le système tactile chez Subaru n'est pas exactement la meilleure des qualités. Faut appuyer comme deux, trois fois pour que ce soit facile à faire. Alors ça, c'est pas nécessairement une réussite. OK. Autre bonne qualité de la voiture, c'est l'espace intérieur. Avant ça, c'était une voiture où on était un peu à l'étroit. Écoute, c'est pas encore plus long au niveau de l'empattement, mais au niveau de la largeur, là, quand tu as deux adultes assis en arrière, tu n'as vraiment pas de problème. C'est vraiment une voiture qui est relativement confortable de ce niveau-là. Et on a aussi amélioré l'espace de chargement, c'est-à-dire qu'on a agrandi la bouche, si tu veux, de la valise, ce qui permet d'y insérer des objets beaucoup plus grands maintenant, alors qu'avant, c'était une bataille quand tu avais la berline. Évidemment, la hatchback, c'est une autre affaire, là, Ouais. mais moi, j'avais la berline et c'était plus difficile. C'est bon. Ceci étant dit, sous le capot, on se retrouve avec un moteur 2 litres de 152 chevaux et une toute nouvelle architecture. C'est la même architecture qui va servir pour Subaru dans les prochains véhicules, là. Entre autres, le nouveau SUV, là, à 7 passagers qui est en cours de préparation. On va utiliser la même architecture. C'est quelque chose d'extrêmement rigide, qui est vraiment beaucoup plus solide. On la sent plus solide. On sent qu'elle a une bonne tenue de route. Mais on sent que ces 152 chevaux, ben, c'est un peu limite. Elle aimerait ça d'en avoir plus. Ouais, c'est pas une voiture à caractère sportif, là. Non, vraiment pas. Et OK. elle est vraiment, tu sais, elle s'essouffle très, très rapidement. Évidemment, moi, j'avais la version automatique. Elle est disponible avec une boîte manuelle. Moi, j'avais la version automatique avec la CVT. Et je déteste la CVT de Subaru. Ouais. Je suis totalement franc, là. Même la seule façon de s'en sortir un peu honorablement, c'est de jouer avec les palettes derrière le volant qui nous permettent de simuler sept vitesses, sept passages de vitesse, ça permet de te donner un peu de feeling. Autrement, tu as vraiment l'impression que tu as mis le pied sur une courroie qui glisse. C'est pas agréable. Heureusement, ça ne fait ça que dans les accélérations les plus vives. En ville, ça se comporte plutôt bien. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est. Tu sais, moi, ça m'a dérangé, mais combien de temps ça va déranger les autres? Pas nécessairement. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est un peu sensible à ce genre de choses-là. Mais bon, j'ai fait faire un tour à ma voisine finalement, et elle s'en est comme pas vraiment aperçue sur le coup, là. Ça a pris un petit essai prolongé pour qu'elle puisse se rendre compte de ça. Donc, c'est en soi une voiture qui est, ma foi, fort intéressante parce que j'aime beaucoup le rouage intégral. J'aurais aimé ça l'avoir dans une température, là, comme 15 cm de neige. Ça m'aurait permis de l'exploiter davantage. En revanche, c'est une voiture qui est fort agréable à conduire. C'est un des rouages intégraux les plus abordables sur le marché et c'est un des plus efficaces encore aujourd'hui. Alors, honnêtement, quand j'ai acheté une Subaru, c'était pour la sécurité que ça procure. Ma femme disait que une Subaru, ça te donne le syndrome de la valise. C'est-à-dire que quand tu pars sur un coin de rue, tu te retrouves tout de suite dans la valise du gars en avant de toi parce que lui, il rush à partir, mais pas toi. Ouais. C'est un peu le même feeling qu'on a avec cette Impreza-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller chercher des nouveaux adeptes? Écoute, oui, elle s'est améliorée. Est-ce que ça va aller conquérir chez les amateurs de conduite un peu plus dynamique? Peut-être pas, mais c'est une voiture en tout cas qui est bien réussie et honnêtement que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En tout cas, j'aime beaucoup Subaru et je pense qu'ils ont fait un excellent travail avec la nouvelle Impreza. Ouais, c'est une voiture qui est quand même, comme je disais, qui est quand même jolie. C'est sûr, j'adorais le concept qui nous a été présenté à Toronto. Là, franchement, c'était magnifique comme voiture. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas été audacieux puis aller avec ces lignes-là parce que c'était vraiment, vraiment magnifique. Mais c'est une voiture qui a fait ses preuves. Je connais des gens qui ont eu des Subaru puis ils en ont plus nécessairement aujourd'hui puis ils regrettent presque de ne pas avoir leur Impreza ou pensent toujours changer peut-être leur prochaine voiture pour retourner vers une Impreza parce qu'ils ont adoré, pas nécessairement, tu sais, la finition et tout ça, mais la sécurité que la voiture t'apporte quand tu la conduis. Mon père s'est acheté une Legacy, puis il se magasinait un Accord, puis il est allé dans un Subaru, puis il est ressorti de là avec une Legacy, puis il l'adore. Il l'a essayé pour la première fois dans la neige cette année, vraiment, puis il trouve ça merveilleux. Puis comme tu disais, la fidélité des clients qui retournent chez Subaru, le vendeur avec qui mon père a fait affaire, c'était son premier nouveau client depuis un bout de temps, parce que lui, il travaille toujours avec les clients qui retournent, tellement que les clients retournent vers du Subaru un coup qu'ils en ont acheté une, parce qu'ils aiment, écoute, ils aiment la sensation. Le niveau de loyauté est absolument incroyable chez Subaru. C'est une compagnie qui a bien fait, là, qui a vendu pas mal de véhicules cette année. Plus de 50 000, en fait, c'est une des rares fois où ils ont fait ça dans leur histoire, mais ils ont vraiment un noyau de fidèles qui les suit là, de façon spécifique. Il y a une autre compagnie qui commence à se faire des fidèles aussi, puis c'est la compagnie Hyundai. Oui, oui. Qui arrive avec des modèles intéressants. Puis toi, ben, j'ai eu l'occasion de la conduire aussi. La Hyundai Elantra Sport. Oui, la petite Hyundai Elantra Sport qui était un des véhicules, une des deux versions d'Elantra qui était en lice pour gagner le titre de voiture de l'année. Pour ceux qui savent pas, parce qu'on n'en a pas nécessairement reparlé, les trois voitures qui vont se compétitionner pour le titre de voiture de l'année ont été nommées à Montréal. Et l'Elantra, pas la Sport, mais l'Elantra en général est là comme pour gagner le titre de voiture de l'année. Et là, avec, si je me rappelle bien, c'est la Volkswagen Alltrack. Puis la troisième, c'est m'échappe. Tu te rappelles, tu sais quoi? Non, malheureusement okay. pas. En tout cas, l'Elantra est là, puis elle va pouvoir compétitionner pour gagner le titre de voiture de l'année. C'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. C'est une voiture qui est confortable. C'est une voiture qui est belle. La version sport, ça a un petit peu plus de punch. C'est une voiture qui est un peu plus dynamique parce qu'elle a un moteur, c'est un 4 cylindres turbo qu'ils ont mis dans la voiture. Donc, c'est le même petit moteur qu'on retrouve dans les Hyundai Veloster Turbo et les voitures un peu plus dynamiques de chez Hyundai. C'est un 1.6 litres à turbo à injection directe. Ça développe 201 chevaux. C'est une voiture qui est un petit peu plus nerveuse, qui a aussi une allure un peu plus sportive. Là, on a changé le pare-choc, on a mis une jupe sur le côté, puis un pare-choc arrière. Les échappements aussi qui ont été modifiés en arrière. Là. C'est ça. Donc, on voit, c'est une voiture qui a une allure un peu plus sportive. Là, c'est pas une voiture de course, on est loin de là, mais c'est une voiture qui a quand même un dynamisme quand même assez intéressant. Là. On peut la conduire un peu sportivement. Il faut dire qu'à la base, l'Elantra a un dynamisme intéressant à cause de sa structure. Tu te rappelles que tu as reçu chez toi des plaques d'acier. Oui. C'était pour te montrer la différence entre la rigidité de la structure de l'ancienne Elantra et la nouvelle. Ben, c'est avec ça aussi qu'on a construit la structure de la Hyundai Elantra de nouvelle génération. Et l'Elantra Sport. Et honnêtement, on a fait vraiment un beau boulot là-dessus. Là. Oui. C'est extrêmement, extrêmement tight, si tu me passes l'expression. Oui. Et c'est vraiment, on le sent. Là. Oui, on appelle ça la superstructure. C'est vraiment sécurisant de voir ça. Je sais, il y avait eu une démonstration du Hyundai au Salon de l'Auto de Montréal l'année passée. On avait fait monter le président de Hyundai Canada sur une plaque d'acier ordinaire, puis après ça sur une plaque d'acier de Hyundai. Hyundai qui construit son propre acier, là. Il a sa propre usine d'acier. C'est eux autres qui font leur propre acier pour leur voiture. Et, je veux dire, avec le poids du président, la plaque d'acier normale pliait, tandis que la plaque de superstructure, l'acier Hyundai ne pliait pas. Donc, c'est sécurisant de voir ça. Là. Donc, il y a ça. L'intérieur, on a changé un peu l'intérieur. On a un intérieur un peu plus sport. On a des coutures rouges sur les sièges. Sièges en cuir. C'est une voiture qui vient quand même bien équipée. On a Android Auto, Apple CarPlay. Siège avant chauffant, volant chauffant. La seule chose que je peux peut-être dire qui aurait été le fun d'avoir dans l'Elantra Sport, qui est un modèle un peu plus haut de gamme, c'est d'avoir les sièges arrière chauffants. Ce qu'on n'a pas. Mais c'est une voiture sport. En théorie, c'est une voiture sport. C'est pas, Mais mon fils a trouvé ça dommage parce que je l'ai eu pendant le temps des fêtes. On a fait beaucoup de routes avec pour aller au party de Noël, party de jour de l'an. Tu es en train de gâter ton fils, c'est tout. Là. Je le sais. Puis il n'avait pas fait ça au chaud. Puis nous autres, oui, il est un petit peu jaloux. Mais bon. On a un volant sport, un volant en forme de D dont la partie du bas est plate. Moi, j'avais la version avec la transmission manuelle à 6 vitesses. Transmission qui fonctionne très bien. Hyundai ont une bonne transmission manuelle. Les changements de vitesse se font bien. On est capable. On n'a pas besoin de trop jouer de la transmission pour être capable d'avoir un bon rapport moteur pour faire des dépassements, des accélérations. Un peu de temps en temps, c'est sûr. Mais on est capable de la laisser sur l'autoroute en sixième. Puis on a encore quand même assez de puissance pour être capable de dépasser sans avoir à rétrograder en cinquième. Là. faut que tu joues un petit peu du levier si tu veux tirer un maximum de cela. Si tu veux un peu plus de plaisir, oui, tu vas jouer du levier. Là. Mais c'est moins pire que ce qu'on avait vu dans, dans la Chevrolet Cruze, mettons, où on jouait constamment du levier. Oui, mais là, on parle d'un auto de 201 chevaux quand même. Ouais, il y a une différence, là, tu sais. Là. Fait que des jantes de 18 pouces, des phares HID, donc DHI, là, des phares haute intensité. C'est vraiment une belle voiture. C'est une voiture qui est confortable. On a un toit ouvrant aussi, mais c'est un toit ouvrant régulier. Là, c'est pas le toit ouvrant panoramique qui est à la grandeur de la voiture. Donc, pour moi, c'est un véhicule qui est intéressant. C'est un véhicule qui est confortable. C'est un véhicule qui, franchement, je serais capable de vivre avec cette voiture-là. À l'année. Là. C'est assez spacieux. Le coffre est grand, il y a de l'espace. Tout le monde était confortable. Bon, nous autres, on est juste trois, mais c'était confortable pour nos voyages puis les cadeaux de Noël un peu partout dans l'auto. C'était vraiment bien. Prix de départ, 24 999. Bon, on va dire 25 000. Plus transport, préparation, on tombe à 25 308. Ça, c'est pour la version manuelle de base. Après ça, on a bon les versions technologiques et tout ça. Si on va à la version la plus haut de gamme, ben là, on parle de 31 308. Ça, c'est tout inclus, le transport et préparation. Il faut rajouter les taxes. Mais tu sais, il y a beaucoup, quand même beaucoup de choix. Il y a une transmission aussi à 7 rapports qui est disponible en option si ça vous intéresse là. Donc ça apporte le prix de la voiture de base à 28 808 avec la transmission automatique à double embrayage. C'est quand même une transmission assez technologiquement avancée. Moi, j'ai aucun problème avec l'Elantra. Je comprends pourquoi elle est en lice pour gagner le prix de voiture de l'année. C'est une voiture qui est confortable, c'est silencieux à rouler, c'est pas bruyant dans l'habitacle. C'est un bon véhicule. Puis c'est avec des voitures comme ça qu'on comprend pourquoi les constructeurs coréens sont en train de faire leur place dans le marché. Tu sais. Effectivement. Écoute, l'Elantra est vraiment... d'ailleurs, dans sa version originale, elle chauffe les fesses de la Civic au niveau de la deuxième voiture la plus populaire. Là. C'est pas pour rien. Ouais, donc c'est ça. Donc, excellente voiture. Si ça vous intéresse, ben allez voir ça. Donc, Marc, on va faire une petite pause. Puis on va revenir. Puis on va laisser la place à Benoît. On va laisser la place à Benoît qui va nous parler des mythes dans le domaine de l'assurance. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure de la chronique assurance avec notre expert en assurance automobile, Benoît Campeau. Salut Benoît. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Effectivement, le temps des fêtes a été un petit peu plus long que prévu. Ah oui, mais c'est correct. C'est des choses qui arrivent avec les salons et tout ça. Là. Des fois, ça bouge, ça change des chroniques de place, mais très heureux de te revoir pour une autre année, qui est l'année 2017. Tu vas commencer l'année avec un sujet qui est assez intéressant. Tu veux nous parler de certains mythes dans l'assurance automobile. Absolument. Écoute, tu sais, pendant le temps des fêtes, on a toujours du fait que je suis en assurance, le mononcle qui vient me voir et dit c'est-tu vrai? Puis là, il commence à poser des questions. Mais cette année, j'ai été inondé de c'est-tu vrai? Donc, j'ai décidé de prendre plusieurs des questions qui m'ont été posées, puis des répondre finalement sur ton émission. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui peuvent me paraître très banales, mais que monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas en assurance n'a pas la connaissance ou n'a pas l'information qui va avec. Donc, c'est un peu ça la raison de ma chronique aujourd'hui. Le mythe, les mythes en assurance. C'est bon. Si tu veux m'envoyer l'adresse de courriel de tout le monde qui t'a posé ces questions-là ou ceux que tu penses qui vont te les poser dans un avenir approché, je pourrais les envoyer le lien à l'émission. Ça va me faire plaisir. Mais vas-y, je t'écoute. OK. Écoute, la première des choses, celle qui m'a été posée le plus souvent, c'est si je mets l'auto au nom de mon père, est-ce que ça coûte moins cher? On l'a tous fait, je pense, essayer d'en passer une rapide à nos assureurs étant plus jeunes, surtout les garçons, parce que bon, plus jeunes, ça nous coûte plus cher. On a les moyens des fois d'acheter une voiture plus récente, mais pas nécessairement les moyens de l'assurer. Donc, à cette réponse, non, ça coûte pas moins cher si on la met au nom de quelqu'un d'autre, parce que l'assurance va être calculée principalement sur le conducteur. Donc, ça nous donne rien de dire, ben, je vais mettre la voiture au nom de mon père ou de ma mère, puis de mettre conducteur principal. La prime va toujours être facturée en fonction de qui conduit. OK. Donc, ça change absolument rien. Exactement. Ouais, c'est bon. Puis même à l'opposé, puis ça, je pense que je vous en ai déjà parlé dans le passé, c'est vraiment mieux d'être honnête avec son assureur. Oui, oui. Donc, le deuxième mythe, les contraventions de stationnement. Okay. Je te dis ça parce que dans ma famille, j'ai un cousin qui, on dirait, a comme mission de subventionner la ville de Montréal avec ses contraventions. OK. C'est Donc, il me sa dit. BA, là, c'est sa bonne action, là. Il se stationne mal dans le but d'avoir une contravention pour pouvoir aider la ville de Montréal à arriver à la fin de l'année. Oui, OK, exactement. c'est Ben, bon. si. C'est Donc, je ça. parle aux gens qui vivent à Montréal. Si votre compte de taxe n'a pas augmenté cette année, c'est grâce à mon cousin. Ben, c'est louable de sa part. Donc, la réponse à ça, c'est non, les contraventions de stationnement n'ont aucun impact sur l'assurance automobile. Ouais. Donc, c'est uniquement les infractions au code de la route qui vont avoir un impact. Bon, principalement parce que la personne, l'infraction de stationnement, tu peux pas prouver qui a stationné l'auto là, parce qu'il n'y a pas personne dans l'auto. Fait que tu donnes une contravention au numéro de plaque et non pas, puis au propriétaire et non pas à la personne qui a conduit. Parce que normalement, si tu es stationné, c'est parce que tu n'es pas dans l'auto. Exactement. Puis, au bout de la ligne, ben, c'est pas parce que tu stationnes à des endroits qui sont pas prévus ou qui sont en dehors des heures normales que ça fait toi un mauvais conducteur, Ouais, disons. mettons. On peut être gentil puis dire ça, normalement, quand même, là. Mais à la défense de bien, bien du monde, là, des fois, les pancartes de stationnement à Montréal sont assez nébuleuses, hein? Ça prend presque un diplôme universitaire pour être capable de déchiffrer qu'est-ce qu'ils veulent dire sur la pancarte. C'est pas toujours évident. Effectivement, dans ce temps-là, c'est mieux juste de s'abstenir de stationner. Ouais, ça prend un taxi. Exactement. Ce qui m'est revenu le plus souvent, puis écoute, ça me surprend qu'on ait encore cette question-là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des couleurs qui coûtent plus cher que d'autres à assurer? Ouais. Et non. J'ai malheureusement pas d'explication logique. Je me souviens qu'on était plus jeune, on entendait une voiture rouge coûte plus cher à assurer qu'une voiture noire. Non, ça n'a aucune incidence. Ouais, c'est un peu Donc, logique. C'est peut-être plus facile à spotter, comme on dit, pour les policiers, pour donner des contraventions, là, mais côté assurance, théoriquement, ça devrait rien changer. Tu roules pas plus vite. C'est pas parce que tu achètes, je sais pas moi, une Nissan Micra rouge qui va aller plus vite qu'une Nissan Micra blanche, ça devrait pas être un problème. on pourrait peut-être faire un test là-dessus à un moment donné. Ah, ça pourrait être intéressant. L'autre chose, une réclamation non responsable, est-ce que ça fait quand même augmenter tes assurances, d'après toi? Une déclaration non responsable. Je serais tenté de dire non, mais je pense que je vais me tromper. Ben, tu n'as pas tout à fait tort, tu n'as pas tout à fait raison. En fait, une réclamation demeure une réclamation. Ouais. La différence va être sur la cause. Donc, une réclamation non responsable ne créera pas de surprime, mais va te faire perdre ton rabais sans réclamation. OK. Tu vas me dire que c'est un jeu de mots, mais donc ne pénalise pas, mais te fait perdre ton rabais. OK. Fait que tu vas avoir une augmentation, mais pas pour la raison que tu penses. Exactement. OK. Donc, au lieu d'avoir un exemple simple, là, 25% d'augmentation à cause d'un accident responsable, ben, tu vas peut-être juste perdre le rabais sans sinistre de 10%. OK. Okay? Donc, il va y avoir quand même une Ça augmentation. donne une augmentation plus basse, mais c'est ça. C'est juste une perte de rabais plutôt qu'une augmentation, non, bête et méchante, là. OK, c'est bon. Exactement. OK. L'autre question qui m'a été posée, est-ce que je peux conduire le véhicule de quelqu'un d'autre, Ouais. même si je ne suis pas assuré dessus. Il y a un mythe qui disait que la réponse était oui. Si tu avais plus de 25 ans, je pense, mais je pense que ça reste un mythe. Je pense pas que c'est vrai. Effectivement, c'est un mythe. La condition première, il faut que tu aies le consentement du propriétaire du véhicule. Ben, ouais, ça c'est déjà de base, c'est juste du savoir-vivre, là. Mais oui. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, oui, dès que tu as le consentement, tu vas être assuré sur. Tu vas pouvoir conduire la voiture de la personne qui te la prête. Donc, si moi, un soir, je vais chez toi, ta voiture est stationnée en avant de la mienne, je te demande, Luc, est-ce que je peux emprunter ta voiture pour aller faire au dépanneur, faire une commission au dépanneur? Ben oui, je vais être quand même couvert dessus. Faut faire attention. Tu peux pas être plus couvert que la voiture l'est réellement. OK. Donc, si ta voiture n'est pas assurée en cas de collision, ben, je serais pas plus assuré si j'ai un accident responsable. À la limite, même la responsabilité va m'être incombée du fait que c'est moi qui ai causé un dommage. Donc, c'est moi qui va devoir réparer les dommages que j'ai causés à ton véhicule. OK. Juste pour clarifier, mettons, tu viens chez nous, faut que j'aille chercher du vin parce que je n'ai pas acheté, puis tu viens souper, puis ça me prend une bouteille de vin, t'es stationné en arrière de moi, je prends ta Ferrari. Parce qu'on sait, les agents d'assurance, ça se promène tout en Ferrari. Je m'en vais à SAQ ramasser une bouteille de vin. Je reviens. J'ai un accident. Est-ce que c'est ton assurance qui couvre mon accident à moi ou c'est mes assurances qui couvrent l'accident que j'ai eu avec ta voiture? Puis quand tu dis que tu es protégé selon la couverture, est-ce que c'est ma couverture ou ta couverture? Donc, c'est une excellente question, Luc. Sans aller trop dans les détails, c'est toujours l'assurance du véhicule primaire qui va prendre fait et cause. Okay. Par contre, si sur ta police d'assurance, tu as le FAQ 27, ce qui est en fait le transfert de tes garanties sur le véhicule qui est loué ou emprunté, mm-hmm. à ce moment-là, c'est cette garantie-là qui va être prioritaire. OK. OK. Puis, bien entendu, s'il y a une franchise appliquée, ben c'est toi qui vas devoir la débourser. Oui, ça c'est logique. Là. Mais vu que tu es fin, tu paierais, mais oui, je comprends. Je comprends ce que ça veut dire. Oui. C'est, okay. C'est bon. Exactement comme la Ferrari que je devrais normalement posséder. Normalement, oui. C'est ça. C'est bon. Écoute, rapidement, oui, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Est-ce qu'il y a certaines voitures, tu parlais de Ferrari, est-ce qu'il y a certaines voitures qui ne sont pas assurables? On parle de véhicules haut de gamme, le Ferrari, Rolls-Royce, les salons de l'auto, là, ces mm-hmm. temps-ci. Mm-hmm. Donc, la réponse est oui, toutes les voitures sont assurables. OK. C'est comme ça. Celle-là, je l'ai pris en note, je voulais être certain de ne pas l'oublier. Si j'éternue, est-ce que je suis couvert en ayant un accident? Ben, j'avoue que j'y ai jamais pensé, mais ça équivaut à un accident. Je veux dire, que t'éternues ou que t'éternues pas, t'as eu un accident. Je pense pas que tu peux. On peut pas nécessairement s'empêcher d'éternuer. Je sais pas. Je trouve un peu bizarre comme question, mais moi je dis la réponse devrait être t'es assuré. Il y a rien de différent à éternuer ou ne pas éternuer. Exactement, tu as tout à fait raison. Okay. Tu es couvert pour ça, à condition que tu aies la couverture collision sur ta police d'assurance. Oui, c'est ça que je me disais. Là. Parce que c'est impossible de se garder les yeux ouverts quand on éternue. Ça a été prouvé. Mais c'est pas de ta faute, tu sais. C'est ça. OK. Donc, ben écoute, c'est un peu le top 7 ou le top 8 des mythes que j'ai entendus, des questions qui m'ont été posées durant le temps des fêtes. Mais si jamais les gens qui nous écoutent ont des questions, des choses qui sont pas certaines, mais je les invite à communiquer avec moi. Oui, pourquoi pas? Et ils font ça comment? Fort simple, on a par téléphone le 450-973-9178, c'est ma ligne directe. Et par courriel, ben le benoît.campo. Commercial, assurexpert.qc.ca. Bien entendu, on peut me trouver un peu partout sur les réseaux sociaux aussi, sous Assurexpert Campo. Super. Merci Benoît pour cette belle petite chronique, puis ben, on se reparle une prochaine fois. Merci Luc. Alors nous, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement avec une entrevue qu'on a faite chez Jaguar pendant le Salon de l'Auto de Montréal. Alors, nous sommes de retour et Marc, pour le dernier bloc, si c'est OK avec toi, pas que tu as vraiment ton mot à dire, on va aller écouter l'entrevue qu'on a fait avec le président de chez Jaguar Canada. Bon, c'est une entrevue, comme je disais au début d'émission, c'est en anglais. On va vous faire un petit récapitulatif quand on va revenir. Donc, on va aller écouter ça puis on revient. We will start by talking about the new product, the Discovery. A totally new truck. That is giving you a totally modern style. What exactly is different with this Discovery? I mean, first of all, of course, the design is completely different. And obviously, you have to go also with the next generation, more with the times. And there are, of course, you know, things have changed in the legislation environment, so you have to be more fuel efficient, and obviously a more aerodynamic shape will help you there. So the task of the designers was to create a more aerodynamic car. That's the first difference I think you see to the outgoing LR4, but you still had to keep some of the design cues that we had in the with the predecessor, and that is, for example, the step roof or the very distinctive C-pillar. That's something we kept. Then, of course, true to Land Rover and the Discovery range, we have to have, of course, versatility above all. You find lots of storage areas inside the car. You find a 7-seater configuration that is very versatile and actually seats people like me, and I'm 6'2". That's important. You have, of course, new engines in the car. And, the known off-road capability that Land Rover brought to the masses over the years. That's the whole package for this car. Jaguar or Land Rover is really on the rise right now. You did, well, the company did a great job with the way you position yourself as a luxury brand. And the new products that are coming out, like the F-Pace, like the XE, the diesel, are really doing well. What would be the next step? Because you had a lot high step to go, because people have kind of lost confidence in the Jaguar. Now, I think they're getting back to it slowly. What would be the next step for the company? In terms of volume? In terms of whatever. I'm basically, from where we are now, Jaguar is doing well. As I said, the F-Pace is selling pretty good, I think, in Canada at least. Where are you heading? Where is the company going? And in Canada, how do you, I can say, compete with the other luxury brand? I mean, you have to tackle all areas of the business. One is the dealerships. I mean, we are channeled, so everybody has Jaguar and a Land Rover franchise. But we also need to modernize our dealer network, our retailer network. We need more capacity because we obviously now sell way more cars than before, so there are more cars on the road, so there must be more service capacity. So we're working on our dealers diligently to increase the capacity. And then, of course, you have to work on your brand, and your advertising, your marketing strategy, your internet presence, and so on, to make people aware of the great products that we now have. With the XE and the F-Pace, we have to winners in big segments, and we're doing now completely different volumes than ever before. And the other aspect that usually comes, of course, first is the product, but we have the product now. We have, for the first time, 5 cars/SUVs in the market, and Jaguar never had that. So now it is, continue, bring out exciting engines, because you have to sharpen the sporty profile of the brand, bring that to the customers, and you have to get people into the cars, because a lot of people don't know about that. And so if they then find out about us, then we have to get them in the car. Because once they drive the new Jaguar, then they will be convinced, I think, very, very quickly. So these are the steps we have to do very diligently and consistently, and not making any mistakes on the way. Yeah, because you have to keep the growth that you just got. But a luxury segment is getting pretty crowded. I mean, all the other car manufacturers, luxury car manufacturers, are really growing as fast as you are. Mm. How can you? Well, most of them. I mean, Mercedes-Benz going doing well. Yeah, but none of them was growing as fast as we were. So I don't want to brag too much about it. But that's, we grew by 35% last year. No other luxury manufacturer could grow by that. But you're right. I mean, the growth was partly due to the arrival of two new models, like the F-Pace and the DXE. You're not going to be able to bring new models and grow that fast. Are you going to be able to do it? At the moment, we just talk what we have here, not about the future models. But no, of course, there's still, if you look at the portfolio, there are white spaces, and we will continue on our product offensive. No? But you see, we XE and the F-Pace haven't been around for a full year yet, so there's still more potential for 2017, when you think about, we have these cars for a full year. No, and then you're right, it will be conquest a lot. I mean, I still believe here in Canada that the premium market has more potential to grow. We are roughly, the way we define the premium market, we are roughly 10% of the total market. If you look Down south in the US, you talk already about 15%. In some month, even 17%. If you go to Germany, the premium market is over 30% of the total market. Yeah. So there's room to grow. And I believe that people aspire more to the premium cars, and that Canadians, of course, are maybe sometimes a little bit more conservative also with their spending, but they're getting more and more also into the premium car world. So I believe the premium market itself will grow. That gives us some tailwind. And then it is a clear, yes, conquest, no? Because everybody wants to have a piece of the pie, and then it's a question who has the better product, the better dealers, the better financial offers on their cars, and who has the better brand image. That's why I always say we have to invest in our brand image. We have to, create the want in the cars, because it's a car you don't necessarily need, but you want it. You need to be desirable. And for us, Jaguar Land Rover, we want to be the most desirable premium car brand in Canada. And you have to make aware, people have to be aware that they might be able to afford a Jaguar, correct, which is something they couldn't do last year. Right. That is true as well, because there is also a conception and in the heads of the people out in Canada that maybe these cars are, very expensive. And I think we compete really well with all the German premium companies out there. And I think it's just great for the customer now to also look at another brand, and they don't just have to go and buy another German premium brand, but now they have British premium brand as an alternative. And of course that takes time, and I still believe cars on the road is the best advertising you can have. That gives customers confidence if they see the car, and of course when friends and families are talking about these cars, when they tell each other good stories and how great that car actually feels. And I tell you one thing as well, because our volume is still smaller than some of the competition out there, it is nice also to drive something that not everybody else drives. Because there are some premium cars out there, at one point you have to ask yourself almost, is this then still premium if there are so many of this certain model are on the road and you see this car on every other corner? Drive an S-Pace, of course, and you still have a more unique feeling, because our volumes are at the moment a little bit smaller than the competition. So I think that's an advantage for us. There's a topic we have to address before we end, is all the electrification of cars. Everybody's doing something in whatever way, but they're trying to do something. What can we expect from Jaguar Land Rover? Yeah, we started on the Jaguar side with the electrification, and we have two-pronged approach. The first one is Formula E. So for the first time, we are participating in the Formula E. This year, and we believe that's the future of racing. Of course, it gives us a lot of knowledge, and it gives a lot of information that we can then utilize for our street-going electric vehicle. And there, I think we showed in November in LA a concept that is very close to the final series production with the I-Pace. And journalists and customers just love the design, because it's for the first time an electric, fully battery electric vehicle that actually looks good and not somewhat awkward. Yeah. And what we did is also we showed it in November now 2017, and we told also the press that in 2018 we will launch this car. So we didn't want to show something and just for the sake of showing something and pretending that we're doing so. No, we showed something very close to the production version, first of all. Of course, there will be some slight changes, but not too dramatic, I believe. And we wanted to show something that is actually happening within a year and a half or something like that. And I think that was very, very important. So the I-Pace should be there within a year and a half? It will be arriving on this side of the Atlantic in 2018. Today we showed you all the figures again. I mean, it is not just beautiful, but it's also a really high performance vehicle. And with 400 horsepower, we believe acceleration around 4 seconds, maybe even below. That's very sporty, and a great range of more than 350 kilometers. I think that's the right way to go. We believe in electrification, and I think that's the next step where we need to go if we want to reduce the emissions and want to reduce CO2. And we are fully committed to that, and we believe in it. Good. Okay, great. Thank you very much. You're more than welcome. Bon, Marc, nous sommes de retour de cette entrevue. Belle entrevue avec le président de Jaguar Canada. Personne qui est très, très gentil. Ça m'a un peu surpris de, tu sais, une compagnie. Ce que je trouve drôle, c'est que tu n'es pas capable de nommer son nom. Non, je me rappelle pas de son nom du tout. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est Wolfgang Hoffmann. Ah, super. Je me rappelais de Wolfgang, mais je me rappelais pas de son nom de famille. Je me suis dit, tant qu'à faire, je l'appellerai pas par son prénom. Je vais me retenir un peu. C'est ça. Alors, c'est Monsieur Hoffmann. Alors, oui, effectivement, tu l'as dit, quelqu'un de très gentil et quelqu'un qui a été très généreux de son temps. Là. Oui, oui. On était au Salon de l'Auto de Montréal. On était là avec notre petit podcast et il a été très gentil. Ça nous a permis, d'ailleurs, de jaser avec lui. Si vous l'avez entendu, vous parlez anglais, vous avez compris qu'on a parlé, par exemple, de où on en était chez Jaguar, comment on se confrontait avec les autres. Il a parlé un peu, évidemment, du Discovery qui était le véhicule qui est présenté par Land Rover au Salon de l'Auto de Montréal. Mm-hmm. Et on a parlé aussi, parce que c'était très important pour eux, d'électrification. Pourquoi? Parce que lors des derniers salons, on a présenté le I-Pace, qui est l'espèce de super VUS électrique qui s'en vient chez Jaguar. Et il nous a dit qu'il était presque dans sa version de production. Ça m'a un peu étonné parce qu'il est super beau. Et on a bien sûr parlé aussi de l'implication de Jaguar au niveau de la Formule E, la Formule électrique, parce que Jaguar croit que c'est par là que va passer le développement de la voiture électrique et qu'évidemment, comme ça se déroulait à Montréal, on avait d'ailleurs dans le kiosque de Jaguar Land Rover une Formule électrique accrochée là et Patrick Carpentier est passé lors de la journée des médias. Oui, c'était vraiment intéressant aussi parce que Jaguar justement a présenté une super belle vidéo pendant l'introduction pour les journalistes au Salon de l'Auto, puis il montrait justement le I-Pace et on voyait ça normalement dans un environnement où on entend un moteur gronder. Normalement, ça serait une F-Pace qu'on aurait vu là-dedans avec un V8 turbo compressé, mais avec un compresseur volumétrique, puis tu sais, où on entend vraiment le moteur, c'est vraiment l'échappement qui est le son numéro un qu'on entend. Puis là, c'était comme une vidéo, la même chose, mais il n'y avait aucun son. C'est seulement le roulement des pneumatiques sur l'asphalte qu'on entendait. J'ai eu comme un petit sourire. J'ai eu comme l'impression qu'on avait une petite touche d'humour sans rien dire. On a fait sourire les gens parce que c'est des scènes qu'on voit avec une Porsche avec un gros moteur qui gronde. Mais là, c'était vraiment silencieux parce que le I-Pace, c'est un véhicule qui est électrique. Donc, c'était vraiment merveilleux. Donc, oui, belle entrevue. Très généreux de son temps. Je remercie monsieur... Hoffmann de chez Jaguar pour son temps. Je vais m'en rappeler la prochaine fois que je vais m'en rappeler. Il a été très gentil, ça a fait une belle entrevue. Donc là-dessus, Marc, on va terminer l'émission. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils? Ben, écoute, ils peuvent aller voir sur Facebook, évidemment, mon profil. Ils peuvent aller aussi sur ma page de blog, marcbouchard.ca. Il y a là toutes les coordonnées pour me rejoindre. C'est la façon la plus rapide. Il y a des textes, il y a des essais et il y a même les liens avec l'émission Ça roule radio, donc, et mon émission Ça roule TV. Donc, pas mal de contenu. Alors, c'est la méthode la plus facile, marcbouchard.ca. C'est beau. Si vous voulez nous rejoindre aussi, poser des questions, on a une adresse courriel pour l'émission qui est info@saroulradio.com. Faites comme certaines personnes qui nous écrivent nous poser des questions. On est aussi disponible, c'est vrai, j'en ai jamais parlé, mais si vous allez sur le site saroulradio.com et vous allez dans une des émissions, vous avez la possibilité de poser des questions ou écrire des commentaires en bas, puis on va répondre. Si moi, je reçois un courriel quand il y a un commentaire qui est posté sur le site et je vais normalement répondre à ce commentaire-là ou répondre à une question. Donc, gênez-vous pas si ça vous tente, allez-y sur saroulradio.com. Également, on est sur iTunes, on est sur Google Play, on est aussi sur Ça roule Radio, on est sur Sport Radio et on est sur Ça roule Radio, c'est nous autres, Ça roule Radio. On est sur Radio H2O, sur Sport Radio et sur Radio Highway. On est également... C'est marqué que je t'obstine plus. Hein? Ben non, c'est ça, t'aurais dû. Et puis, on a un compte Twitter, Ça roule Radio, une page Facebook, Ça roule Radio. Venez nous écrire là aussi, on répond normalement assez rapidement. Et puis, pour moi, si vous voulez me rejoindre directement, c'est Scalazormo sur Twitter. Donc là-dessus, Marc, merci encore une fois pour cette pas pire émission cette semaine. Et puis, nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde. Avec plaisir. Bye bye.